ma sainte étoile. Emma. Nous chantons encore une voix seulement, numéro 190, il t'observe. Dimakaka, Kamamoko, Tupu, Liba. Lui qui prend soin de toi, il t'observe. Tout au long du chemin, vers la demeure de l'âme, il y a un homme qui t'observe. Ce grand œil est ouvert sur chaque pas que tu fais. Il y a un homme qui t'observe. Voilà. Nous allons lire sa parole ici dans la Sainte Bible. Ézéchiel chapitre 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Dans 1 Pierre, Nouveau Testament, cette fois-là, de l'Ancien Testament, autre du Nouveau. 1 Pierre chapitre 5, les versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Un mot de prière. Père de sainteté, Dieu parfait. Tu es le très haut. Le tout puissant. L'invincible. L'indomptable. Le roi éternel. Immuable. Incomparable. Tout suffisant. Elohim, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. El Rao, c'est toi. Oui, Seigneur, notre berger. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Tu as dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Laisse que la crainte de Dieu remplisse nos cœurs. Et notre foi s'élève pour croire que tu es ici. Que tu es présent. Jéhovah Shammah. Qui n'est pas loin de chacun de nous. Révèle ta présence à chacun de nous. Comme tu l'as fait au jour de sa parole. Comme tu l'as fait au temps de William Branham. Fais-le aussi en notre temps. Accorde-le-nous, Père Céleste. Confirme ta parole. Chaque promesse de ta bouche. Et qu'elle nous donne ce qu'il faut. Et que nous soyons ce que tu veux que nous soyons. Guéris chaque mot. Amen. Veuillez vous asseoir un moment. Nous allons partager une petite exhortation. Dieu qui prend soin de nous. Lui-même, Dieu prend soin de nous. Il prend soin de ses fidèles. Dieu lui-même. Je pense que vous l'avez vu clairement dans la Bible. Même sans que j'aie à expliquer. Même si quelqu'un ne venait qu'à peine de commencer à voir. Il peut comprendre très précisément que Dieu a donné sa promesse en un langage trop clair et trop simple. De manière à ce que tu ne l'oublies pas, ni de jour, ni de nuit. Isaïe. Ou Ézéchiel 34, le verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. La revue. Voyez, lorsque un chef de l'État va dans un camp militaire ou à l'occasion d'un défilé d'honneur, ou soit de la fête de l'indépendance, ou les grandes cérémonies officielles, quand celui qui a autorité arrive, on dit qu'il passe d'abord en revue. Ça ne veut pas dire qu'il va entrer dans les rangs là-bas, commencer à désorganiser les rangs. Tous les bataillons. Chaque bataillon sera à sa place. Chaque soldat en position. Avec les armes au repos. En position de respect. Salut au drapeau. Mais quand on dit le chef passe les troupes en revue. C'est ce moment de communion là où il défile devant les troupes. Même ceux qui ne sont pas autorisés à travailler dans sa ceinture rapprochée. Qui n'apprennent de lui que de loin. Il a voyagé, il est parti, il est rentré, il est allé là-bas, il a visité l'endroit. il y a des militaires qui sont commis à sa garde rapprochée. Il y en a d'autres qui travaillent à distance. Mais pour l'intérêt des institutions, pour le territoire national. Alors quand ces troupes sont rassemblées pour des cérémonies d'honneur, ils passent d'abord les troupes en réunion. Et après ça, il peut dire un mot de circonstance. Prononcer sa parole. Et toutes les troupes enthousiasmées écoutent avec admiration ce que le chef a dit. Parce qu'il est le commandant suprême. Le chef numéro un. C'est tout le commandant de tous les généraux, de tous les colonels. Donc, il peut se mettre à l'instant, il sort de là. Et ta qualité de militaire est finie. Il peut te lever dans un instant, monte ici. Désormais, c'est toi qui vas commander ma garde rapprochée. Après, le pouvoir est entre tes mains. Donc, son petit mot n'est pas si négligeable. Il a de l'impact. C'est du pouvoir. Voyez ça? Tous se soumettent, se disposent. On ne les contredit pas. Maintenant, le Seigneur, notre Dieu, il est le propriétaire de son peuple. Le chef suprême de l'église. Vous savez que la Bible l'a dit, chef suprême de l'église. Maintenant, il promet qu'il prendra soin lui-même de ses familles. Je ne sais pas si dans ce verset il y a un mot difficile pour quelqu'un. Un mot que quelqu'un peut dire, il y a ici un mot difficile que je n'arrive pas à comprendre. Écoutez, je vais te lire. Car ainsi parle le Seigneur. Y a-t-il un mot difficile dans cette phrase? Un mot difficile, un gros mot. Qui demande le dictionnaire pour le comprendre. Je pense pas. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Y a-t-il un mot difficile? Voici. J'aurai soin moi-même de mes brebis. Y a-t-il un mot difficile? N'est-ce pas que tout le monde comprend directement? Et j'en ferai la revue. Donc, avant que la parole ne te parvienne, que le discours du roi ne soit entendu par toi, comprends que Dieu te visite d'abord. Quand la parole vient avec l'impact que la porte, c'est une autre étape de votre communauté. Mais avant qu'il ne prononce son discours d'occasion, qu'il me dise ce qu'il veut dire pour la circonstance, il passe d'abord les troupes en revue. Il vous visite. Vous ne venez pas chercher la présence de Dieu à l'église, mais chacun vient étant déjà préparé. Parce que Dieu a visité ton cœur. Il a touché ce cœur-là. Il a disponibilisé le temps. Pour que tu abandonnes tout. Et que tu viennes dans sa présence. Au devant de lui, pour qu'il te parle. Dieu t'a visité. Et il te visitera encore. Sous forme de la parole que tu entends. Parce qu'il doit faire la revue. Revoir, se voir et voir encore. Donc lui-même doit te voir et te voir encore et te voir encore autant de fois qu'il voudra te voir. C'est illimité. Cette visitation pour ton âme. Et c'est à travers cette visitation que Dieu lui-même prend soin de vous. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, Père des hommes. Et bétail de champ, louez-le car il est bon, combien, Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Pareil à un aigle, il rôde sur rôde. Vois nos besoins, ne est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme une épaule entoure ses poches, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Deviendra l'orage, il sera calmé. Nous sommes plus en sécurité. Combien, combien il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, je loue et j'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il m'est, ça se peut faire pour moi. Oh, je ne puis compter les nombres bienfaits. Combien je veux encore, combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Tu crois ça de tout ton cœur? Dieu est bon, il prend les choses. Nous sommes plus qu'en sécurité. Plus qu'en sécurité. Tout viendra l'orage. L'épreuve. La tribulation, la persécution, le problème, la tentation, les difficultés. Que lui ne sera calme. Il a calmé la tempête. Il a calmé les ondes des eaux. Il voulait voir les cieux. Il voulait montrer toujours prêt. Quel est ton besoin, dit lui. Il s'est montré la proche Jean-Baptiste. Le Dieu qui est présent ici. Même quand toi tu ne le vois pas. Parce que lui te voit. Il te revoit. Amen. Oh, Jésus est saint, il est parfait. Il a dit, vous pleurerez. Mais le monde se réjouira. Maintenez-vous tranquille. Je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Qui a dit ça? Jésus-Christ lui-même. De sa propre bouche sur la terre. Je vous reverrai. Il doit passer les troupes que nous sommes. Jean 16, verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne ravira votre joie. Permettez-moi la bino, mais pour ce que l'on peut, moto, à colombo la bino, et pour la bino, pire. Le même Dieu qui vous a ordonné d'être toujours joyeux et de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il a dit soyez toujours joyeux. Et il a ajouté priez sans cesse. Le même Dieu qui vous donne cette recommandation comme une obligation, un devoir chrétien, un devoir de croyant. Le même Dieu couple ça d'une promesse qui ferait que même si vous vous sentirez défaillant, incapable de maintenir une joie continuelle à cause des pressions de la vie, des problèmes qui enferment nous, qui se répètent, des difficultés involontaires qui s'imposent, même si vous vous sentirez limité et complètement essoufflé, et à vous, lui Dieu viendra à vos questions. Il dit, je vous votre tristesse changera en joie. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne ravira votre joie. Il est capable de maintenir votre joie en permanence. Il sait qu'il y aurait des difficultés de la vie, les durs labeurs de la vie. Et la parole vous a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin d'elle-même. Il arrivera chaque jour suffisamment. Quand les jours passent, bénis ton Dieu, nous vous donnons pour ce qu'il a fait, recommandez-lui, confirmez-lui ce qu'il en sera, ce qu'il y aura. Et ce qu'il adviendra, il prendra soin de lui-même. Sois souple. Sois très souple. Dieu couple la promesse. Vous aussi, maintenant vous êtes dans le Christ. Mais moi je vous reverrai. Jésus-Christ lui-même qui est là. Je vous reverrai. Et quand je le ferai, quand je vous passerai en revue, il ferait tellement de mouvements que même si la première fois vous ne m'avez pas vu, la deuxième fois vous n'avez pas réussi, la troisième fois vous n'avez rien fait, mais même la septième fois, un impact va se produire. Une attraction se produira. Une attirance surgira. Vous saurez que les gens vont chamer. Dieu qui est présent ici. Jacob, quand il est allé là-bas, il avait peur de son frère Esaü. Il ne savait pas que Dieu était dans cet endroit. Il est venu dormir dans sa peur, inquiet, soucié. Mais dès qu'il lève les yeux, il voit les anges de Dieu qui ont dressé une échelle. Et il est monté et il est descendu. Il prend le départ à partir de là où il est. Il part plus loin. Et puis après, d'autres descendent. Mais le point de départ, c'était la tête de lui. Et puis il a dit, il a appelé cet endroit Bethel. Il dit, Dieu est-il dans cet endroit? Oui, Dieu était là. Que vos troubles ne puissent pas vous aveugler. À travers vos troubles, voyez celui qui peut tout casser, pour qui aucun obstacle n'est franchissable, aucune barrière n'est opaque. Dieu accède partout. L'esprit traverse tous les obstacles. Il peut les anéantir en un instant. Il peut le faire disparaître. Il a le pouvoir de créer. Il a le pouvoir d'anéantir. Il faut que le croyant dise amen. Notre foi doit s'accrocher à ces vérités. Il dit que je prendrai sur moi-même. Dans Esaïe 40 ici. N'est-ce pas le même Dieu qui nous parle encore? Il est tellement bon. Il est bon et il est merveilleux. Isaïe 40. Verset 11. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il pètera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Et le portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Tala litomba na ye ezalina elongo. Lifuti na ye liboso na ye. Akoleisa etonga na ye lokola mopateli. Akoyanganisa bana mpake na maboko na ye. Akokumba bango na tolo na ye. Akokamba malembe malembe baoyo bazali kotongisa. Alors, quand tu entends des choses comme ça, dis, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Amen. J'habite trop dans des rêveries. Je rêve un peu trop. Alors que tu es un Dieu réel. Un Dieu tout puissant. Incapable qui intervient, qui secoue. Mais je semble de fois vivre dans l'intimité. Genre, pour moi, il n'intervient pas. Dans ma vie, il n'agit pas. Il ne peut pas acheter. Pour que tu sois ce que tu es, que tu maintiennes le cas, je fais beaucoup d'amis. Lui, il donne une grâce excellente. On a dit dans un petit chapitre 5. Il donne une grâce excellente aux hommes. Il dit ceci. Verset 6 et 7, je voudrais juste prendre ça, mais ce qui vient avant là, au verset 5, dernière partie, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Afin qu'il vous élève au Tacophénat. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Il est dit Dieu lui-même. En personne. Personnellement. Dieu fait ça. Il veut vous revoir. Visiter et visiter encore. Agir et faire davantage. Oui. Je veux lire quelque chose qui vous rappelle un peu ce que Dieu a fait au temps de ce Dieu est si merveilleux. Oh, nous croyons ça. Dans les sermons, la vie éternelle est comment la recevoir. Prêché le 31 décembre. 1954. Et paragraphe 187 à 189. Écoutez ceci. Ce n'est pas pour défendre les doctrines de notre tabernacle. C'est pas pour défendre les doctrines de notre tabernacle. Mais voici ce que je déclare, mes chers amis, cherchez partout dans le monde où vous voulez, et nous les disons en nous vantant. Nous vantant de ce que lui a fait. C'est l'œuvre qu'il a accomplie. Parce qu'elle est de qualité supérieure. Cherchez partout dans le monde. Où vous voulez. Et nous le disons en nous vantant. Et nous ne nous vantons de rien d'autre que de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Amen. Mais considérez ce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour cette petite église. Vous aussi. Donnez de la considération, maman. Analysez, examinez, observez. Retournez-vous et regardez. Bon, ça, si vous le voulez, en direct de cette église, a été lancé ce grand réveil qui a balayé le monde. Ça, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. D'une église, pas de grands intellectuels, pas des grands. Faites des illettrés. Pour bon nombre de gens. Une église qui n'avait pas de renom intellectuel. Qui n'avait même pas d'édifice spécial. Qui n'avait sophistiqué. De l'avenue Pen. Au numéro 8. Voilà la Mwambe, Moutoua Mwambe. Juste là-bas. Kuna, kuna. Un endroit négligeable. Si Dieu lance un réveil, Zambia bandisi bula muki, partant de là, Moutane, si wana, balayant le monde entier. Quelle situation. Dieu est grand. Zambia il fait beaucoup. Dieu fait beaucoup. Zambia considérez cela. Et c'est vrai. Considérez cela. Et voyez si ce n'est pas le cas. Dieu est avec nous. Témoignez de sa présence à nos côtés. Les dire librement en nous vantant de ce que lui Jésus-Christ a fait. Soyez des témoins convaincus. Réveille-toi frère. Réveille-toi ma soeur. Dieu est avec nous. Dans son amour et sa miséricorde. Voyez comment il nous guérit quand nous sommes malades. Est-ce qu'il le fait dans cette petite église? Dans son amour et sa miséricorde, voyez comment il nous guérit. Quand nous sommes malades, considérez le cas de cancer. De cécité. De surdité. De surdité. Et de mutisme. Et tout le reste. Il guérit parmi nous. Pas. Tout ça, ce sont vos privilèges. Ouais, ne dites pas, ça ne peut pas se produire. Au tel cas, pas ici. Ouais, tout ici, c'est pour l'église. Non, quand il y a des croyants convaincus, ouais, alors rien n'est impossible. Ouais, puis, il a témoigné assez d'amour pour descendre en vue d'une preuve scientifique pour montrer qu'il approuve l'église. Il s'est fait photographier avec nous. Et il a fait ça pourquoi? Pour donner une preuve scientifique. Quelle était sa pensée? C'est de confirmer qu'il approuve l'église. Il la considère comme sienne. Comme son peuple à lui. Alors, il vient prendre une pause. Comme quand vous êtes dans des retrouvailles exceptionnelles. Vous aimeriez archiver pour longtemps. Et vous pourrez regarder et dire quand vous êtes depuis à l'occasion de. Alors Dieu descend. Il s'est fait photographier. Avec vous. Que les hommes rejettent. Que les hommes vous haïssent. Que les retraites de Médoum. Ne changera pas la pensée de Dieu. Dieu a approuvé cette petite église. Les jalousies des uns des autres ne feront nullement reculer Dieu. Fait qu'il pense sur ce qu'il a dit. Comme il a dit dans Esaïe, le peuple connaîtra mon nom. Et en ce jour-là, il saura que c'est moi qui parle. Dieu ajoute mes voix. Le Dieu qui parle ne se limite pas qu'à parler. Il se présente aussi lui-même. De manière visible. À vous. Il dit, mais c'est moi qui parle. Mais voici. Je ne me limite pas à vous donner la parole théorique. Mais j'appuie ma parole par ma présence. Une présence tangible, visible, mémorable. Vous connaîtrez. Peuple de Dieu connaîtra. Quelle promesse. Il dit, et puis il a témoigné assez d'amour. Il s'est rendu d'une preuve sympathique. Il montre qu'il approuve l'église. Et il s'est fait photographier. Amen. Amen. Amen. C'est là que les critiques auront fermé la bouche. Tokomi na point oyo. Quand on va prendre la nuée de gloire. Est-ce la seule visite? Dieu à son peuple, son église. A-t-il visité l'église? Les a-t-il revus? De différentes manières, diversement, la colonne de nuée, nuée de gloire, le Seigneur lui-même là, ayant les yeux comme des flammes, cette grande masse de lumière, hors de ses yeux. C'est une réalité. Parce que la caméra ne photographie pas la psychologie. L'appareil photographique ne filme pas la psychologie. Les mythes et les pensées. Mais l'objectif a été impressionné par un corps réel qui était là. Une présence réelle était là. Dans le domaine visible. Et les témoignages là. À une autre occasion, c'était la colonne de feu au-dessus de la tête. À une autre occasion, c'est la colonne de feu sur l'épaule de Paul. À une autre occasion, c'était l'autel de feu. Et on a vu celui qui était dans ce feu-là. À partir de ses reins, monter au-dessus. Il y a une description. Et à partir de ses reins, descendre en bas. Il y a une description. Et ça vous rappelle ce qu'Ézéchiel avait vu plus de 800 ans avant Jésus-Christ. Mais Dieu reproduisa les mêmes signaux devant nos yeux. Le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Dévoilé. Qu'il vit encore sous les mêmes couleurs. Dieu vit encore sous les mêmes couleurs. Les aigles comprennent. ils comprennent et se nourrissent. Mange au dedans. Reçoivent une force qui alimente comme la trophée. Mais dans l'au-delà, je ne veux pas flotter dans le vide. Il y a quelque chose qui va m'accueillir. C'est déjà nourri ici. Alimenté ici. Notre espérance n'est pas vaine. Notre espérance est dans les dieux infaillibles. Chaque promesse dans le livre m'appartient. Je la tiendrai ici en parole. Et c'est là que les critiques ont fermé la bouche. À Régilé, il dit, je ne peux rien dire là-dessus. Amen. Amen. Je suis si heureux ce soir d'être l'un d'entre eux. Je suis si heureux d'être un chrétien. Je suis si heureux de vivre ici parmi les gens qui croient dans ce grand mouvement. Et je m'attends à ce qu'il y ait des petits différents. Nous sommes des humains. Mais en principe, nous sommes un. Nous sommes un. Nous tenons ensemble comme un bloc en Jésus. Dieu nous a bénis. Il nous a donné toutes ces merveilles. Amen. Tout ça, Dieu nous a déjà donné. La tabernacle de Dieu, Dieu t'a donné. Pour que j'étais délire ici. Dieu t'a déjà donné toutes ces merveilles de choses. Aucune incrédulité ne t'achète. Ne te déraille. Chapitre 4. Mais quelle que soit la situation, quelle que soit la chose à considérer, arrête de connaître vos besoins. Et vous le voulez que Dieu fasse toutes ces choses merveilleuses, il vous les a déjà données. Sans restriction. Tout vous a été donné. Dans l'église. Servez-vous à souhait. Mangez à satiété. Il est le Dieu qui prend soin de ses fidèles. Dieu qui prend soin lui-même. Il ne délègue pas le pouvoir. Ici, la promesse, c'est personnel. Lui-même veut dire lui-même. Je veux que tu retiennes ça pour définitivement. Dieu lui-même prend soin de moi. Il a pris soin de moi. Jusqu'ici, il prend soin de moi. Sans présent, il prendra soin de moi. Tout toujours. Amen. Lui-même. Je dis lui-même. Et je sais lui-même. Il est fidèle à chaque parole de Dieu. C'est irrévocable. Mais dans tout ça, toutes ces photos prises, les merveilles, les œuvres de grâce, la bénédiction de Dieu, il nous a tout donné. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu bénisse cet exemple. Toi crois, continue à avancer. Crois et d'autre part. Crois toujours. Que Dieu prend soin de nous. Il est si merveilleux. Si merveilleux, très merveilleux. Nous allons lui chanter encore le merveilleux. Thank you. Pour toujours, il est merveilleux. Soyez toujours joyeux. Lui-même a promis de vous revoir. Pour déclencher la joie du cœur. Pour augmenter la joie du cœur. La mettre à un niveau tel que personne. Ni rien ne peut se pouvoir arriver. Et il confirme ainsi ce qu'il a dit. La capacité vient de lui. Ne regarde pas que toi-même. Il y a un Dieu qui prend ce qui comblera tes insuffisances. Qui ajoutera tout ce qui te manque. Il est capable de faire. Prions chacun maintenant. Come on, I am. Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous remercions infiniment ce soir. Ton amour et ta miséricorde nous a branchés à ton programme pour les programmes dans lequel tu prends soin toi-même et tes fidèles. Advienne que pour nous. Tu l'as promis et tu es fidèle. Laisse que nos cœurs croient ça. Ne l'oublie jamais. Que même quand nous ne te voyons pas, que nous ne sentons rien, toi tu es continuellement en action. Tu es en mouvement. Et nous faisons partie de ton mouvement. Et nous sommes heureux d'être l'un de là-bas. D'être un chrétien par là. Oh Dieu. Que ton nom soit adoré. Qu'il soit sanctifié. Pour ton soutien dans la marche. Dieu de merveille. Combien tu as été si bon. Pour mon âme aussi à moi. Quand je peux voir ces deux joints. J'avais pris mon engagement du baptême. Des décennies, tout le chemin, il y a pris soin. Depuis que nous avons cru ce message, jusqu'à présent, et tu le feras encore. Et tu le feras pour toujours. Que chacun s'attache à toi. Crois ta promesse. Crois ta puissance. Qui n'est jamais vaine. Exauce toutes nos prières. Fortifie cette église. Soutiens-la de ta main droite. Délivre-la de tout combat. Toute épreuve. Toute tentation. De toute vie de péché. Nous prenons la sanctification. Reflétez Jésus-Christ. Vivre pour lui dans ce monde. Car il n'y a plus de temps. Frère, nous comptons sur toi. Visite-nous. Revois-nous aussi fréquemment que possible. De nuit comme de jour. Dieu prend soin de nous. Nos cœurs sont placés en toi. Taille-les à ton image. Taille-les à ta manière. Façonne-nous à ta manière. Pour que nous soyons ces véritables disciples. Garde mes frères et sœurs. Chacun des moments de la séparation. Pour que nous atteignions nos maisons en paix. Par des transports d'allégresse. Sécurité. Prends soin de ce pays. Nous avons besoin de mener une vie paisible. Il y a encore des bruits de bottes à l'est du pays. Grande tension de menace entre ce pays et le Rwanda. Père Céleste, nous n'avons que toi. Que nous invoquons, que nous adorons, que nous servons. Donne-nous de mener une vie paisible. Nous avons appris à prier pour les autorités qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible. Voyons avec la guerre en Ukraine comment le monde entier est bouleversé. La flambée des prix, le carburant est devenu rare. Pour ça, juste deux nations qui sont en guerre. Quand viendra-t-il les jours où l'ensemble des nations de la terre seront dans cette troisième guerre mondiale? Que deviendra-t-il pour les humains? Afin que cette chose mauvaise ne fasse pas de nous. Tu as promis dans les Églises. Fais grâce à chacun de nos frères pour le départ soudain et secret de l'Église. Que nous soyons comptés parmi les vainqueurs. Par ta grâce merveilleuse. Merci pour ta providence, ta miséricorde et ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Prends chaque jour de toutes les manières possibles en confirmation des paroles. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, Dieu de l'Amen, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons à la dernière étape de ce service. Par la grâce de Dieu.